532 activation, oral, un, une, des, and negation. Answer according to the example. You hear, un, vous avez des enfants? You answer, non, je n'ai pas d'enfants. Deux, est-ce que Robert a un frère? Non, il n'a pas de frère. Trois, est-ce que Robert a une sœur? Non, il n'a pas de sœur. Quatre, est-ce que Robert a des enfants? Non, il n'a pas d'enfant. 5. Vous avez un chien? Non, je n'ai pas de chien. 6. Vous avez des amis japonais? Non, je n'ai pas d'amis japonais. 7. Vous avez des complexes? Non, je n'ai pas de complexes.